Chapitre 9. L'idylle naissante. Au jour de fuite fiévreux où le géant blond de grand matin l'attirait de son sommeil, aux alertes nocturnes, aux frémissements des chasses, l'idylle naquit dans Hélème. Tout le rêve, à travers les prunelles sombres, revêtait le décor sylvestre et vamiré s'émouvant, tandis que les steppes natives, les tribus pastorales, se fondaient, se perdaient au confus horizon du souvenir. Mais plus fort grandissait l'instinct des résistances dernières, la crainte de ces flancs féconds, la volonté de l'abri, d'un sort moins inquiet. Et tandis que s'ébauchait leur union dans l'habitude, dans la contagion des corps, ils semblaient plus loin l'un de l'autre, farouches et concentrés. Parfois cependant les heures captivantes du midi pour la chair, du crépuscule pour la pensée, rompaient le charme d'indifférence. Alors la fille brune, attiédie du contact chaud de l'air ou bercée à la vague rumeur du rêve, distendait l'âpre vouloir, abandonnait ses yeux aux yeux de l'homme, livrait un peu d'intimité. Quelques fauves rugissants, l'éclat des foudres, les subites craintes nocturnes la jetaient aussi contre lui. Parfois il obtenait qu'elle chantât les mélopées qui, dans sa tribu, accompagnent le travail. Il l'écoutait, suivait la mesure, se faisait à la musique de la langue inconnue, tout charmé dans sa candeur de sauvage. Comme un enfant qui balbutie, il reprenait le chant, se ployait aux articulations mystérieuses. Car c'était lui qui apprenait le dialecte étranger, habile déjà à désigner des objets, à vocaliser des mouvements. De son côté, elle s'intéressait aux armes, aux sagaies dont il employait plusieurs espèces. Celle à base fendue pour recevoir la hampe, c'est la pointe s'enfonçant dans un trou de la hampe, aux harpons plats ou à baguette, au poignard, au racloir. Mais elle se passionnait surtout pour la fine aiguille à chat et le fil tiré des tendons du renne, chose inconnue dans sa tribu, où bien conçu l'art d'entrelacer des fibres végétales, on employait encore uniquement le poinçon. Elle ne béait pas moins à la sculpture et à la gravure, effarée de la patience, de la sûreté des coches, de la vérité des analyses. Curieuse, elle écoutait Vamiré, essayant d'expliquer le mode de vie des Bzan. Elle suivait la pantomime de l'homme, indiquant des dimensions, mimant des cérémonies, décrivant la demeure. Une fois, elle s'informa du sort de la femme. Après des efforts, elle comprit la répartition en famille, sous la direction des vieillards. Elle s'en étonna, car elle relevait encore des tribus monogames, aux unions périodiques avec des tribus amies, les enfants élevés par les mères, les pères réciproquement gardiens chastes des épouses et protecteurs vigilants des petits. L'enlèvement des filles était la coutume. Aussi la colère des Orientaux ne provenait-elle pas du rapte d'Hélem, mais de ce que Vamiré eut commis ce rapte sans alliance préalable, et plus encore de l'horreur mâle d'une race lointaine. Pourtant ils se comprenaient peu, tout détail impossible. Les longues heures s'écoulaient à la marche, à la chasse, à la cuisine. Ils se frôlaient, ils agissaient en commun, tels deux enfants lâchés par les vastes forêts. Elle avait des soumissions pour toutes les nécessités stratégiques, humble presque à se laisser guider, mais se réservant à chaque halte, dans une attitude faite de crainte et de coquetterie. Lui gardait on ne sait quelle douceur digne, triste parfois, brusque avec les choses, froissant les branches d'arbres, et courant sus aux loups et aux panthères, mais sans violence pour elle. Lorsqu'un passage périlleux s'offrait, et qu'il la prenait dans ses bras, l'étreinte submergeait son cœur d'un flot de passion. Mais il gardait l'humilité du lion devant sa femelle, une noblesse de haut barbare. Là-bas, d'ailleurs, aux grottes, des épreuves précédaient les épousailles, une déjà exquise compréhension des trans fécondes de l'amour, chagrins et joies, fièvres vaincues, luttes intimes destinées à devenir les grandes batailles de la future humanité. Vamiré acceptait l'épreuve qui devait grandir l'espèce. La séduction lente, les félicités prises à mesure sans trop grossier triomphe, et par là surtout les générations sorties de lui seraient glorieuses à travers les temps.